Emmanuel, Dieu parmi nous. Christ, l'agneau immolé, a payé le prix pour l'humanité. Par son sang, nous sommes rachetés. À lui soit la gloire pour l'éternité. Les ténèbres ont reculé. Le Dieu de majesté a triomphé et nous a rendu la liberté. Dieu est grand, Dieu de gloire. Je ne m'arrêterai de te louer, élever et magnifier. Pour toujours tu règnes. Avec moi encore.